Assalamu alaikum sama gagne ki nak ndaysan ben gor jigen la gor jigen dal dafa tam fu mère bi balé tatou parentère ba mu sat rek gor jigen ba ñew dafa saw dafa tororal légui ben bes nak ndaysan muy saw bala muy saw non rek doxot dek nekete non nekete bu mu toré non nekete amna ay boy yu ton petit camp ci bor bi nonu rek boy commencé ko togn décoré rek mère bi supp ne ko ñew mala ko yéné rek gor jigen bi tacc ko ne ko ey may ma sama jamb dembalima kouf sa lamine ne ko doxat fi lañ ko fekk mère yow mère xana xamone sax asaman bala muy taw deñu